Salut Léna. Salut Pierrot. Comment vas-tu? Ça va. Bonjour à vous. Bonjour chers auditeurs. Nous revoilà pour une saison 6 de Goodbye Kevin. Émission 169, émission un peu spéciale puisque ça va être un peu ce qu'on a écouté cet été. Voilà, on s'est dit ça. Plutôt que, comme on n'avait pas acheté beaucoup de vinyle, on s'est dit, c'est pas grave, on va passer ce qu'on a plutôt écouté cet été. Alors Léna dit beaucoup de vinyle parce que chaque année à la rentrée on faisait nos achats de l'été. Oui, commission voilà. Spéciale. Et voilà, on va commencer. Et puis on va passer des choses qu'on n'écoute pas forcément. Je dis rien, mais comme style vrai. Traditionnel pour ta part en tout cas, Léna. Ouais, pour ma part. Bah oui, parce que cet été j'ai écouté beaucoup de hip-hop. Alors pas forcément du hip-hop pur et dur, mais en tout cas beaucoup de choses qui s'en inspiraient, que ce soit au niveau du R&B et tout, des choses un peu plus électroniques, des choses un peu plus soul, même un peu plus jazzy, des belles musiques, voilà. Je trouvais que ça collait bien avec l'été. Donc on va commencer par un artiste new-yorkais de 21 ans qui a été signé sur le label 4AD. Alors lui, il a été influencé quand il était jeune par Miles Davis, par Erykah Badu et plus tard par l'artiste Thundercat qui se rapproche beaucoup dans le style de ce qu'il fait actuellement. Alors du coup, il mélange le R&B, le hip-hop, le funk et aussi un peu le rock indie, un peu mélancolique, tu vois, avec beaucoup de reverb et tout, de choses comme ça. Il fait tout seul, un peu dans son coin, de manière isolée, et ça depuis quelques années. C'est pas que le confinement qui l'a fait enregistrer de cette manière, c'était déjà une habitude de travail qu'il avait pris. Globalement, c'est une démarche que tu retrouves de plus en plus, les gens qui font tout seul. Oui, parce que j'ai l'impression que les logiciels aussi, de toute façon, sont de plus en plus accessibles, de plus en plus ouverts, et que ça devient quand même de plus en plus facile de faire de la musique soi-même, surtout quand t'as des démos de... Enfin, tu sais, des boîtes à rythme ou des choses comme ça, où tu peux imiter des violons, des choses comme ça, et tu vois pas trop la différence. De la musique accompagnée par ordinateur, quoi. Ouais, exactement, de la MAO, assistée par ordinateur, ouais. Avec des rendus qui sont assez fidèles quand même au rendu d'un instrument original, même si... Ah, attention, les puristes, je vous vois, rien ne vaudra jamais. Moi, je trouve que le risque, c'est que tu peux avoir un son qui se ressemble. Ils se ressemblent tous. Ah bah oui, surtout s'ils utilisent les mêmes choses. Donc du coup, lui, il fait ça depuis quelques années. Il a sorti une poignée de singles et il est actuellement en préparation de son premier album, dont on n'a pas encore d'infos. Du coup, je te propose qu'on écoute son dernier single qui est sorti début juillet et qui s'appelle Maybe. Life's a joke. I feel like my soul is stuck. Maybe you should float. I've been on the road enough. I've been feeling low. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. Maybe life's a joke. I feel like my soul is stuck. Maybe you should float. I've been on the road enough. I've been feeling low. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. I talk in ways you like. I walk in the way you like. Lost sight of my own life. Life, life. Too cool for winter time. My friends don't go outside. Lost in the clouds, I'm lost in the clouds. I'm not coming down, I'm on my way up. Cumulonimbus, it got me stuck. In a few weeks I'll be 21, 2020, my vision till 20-some. I've been working like I'm scared of growing up. I'm scared of growing up. If you like me, don't tell me, cause I'ma run with it. Life is a game, I'm just having fun with it. Shooting my shot, I'm just like a gun with it. I don't pick up, just know that the blunt did it. Following trends, I ain't having none of it. I ain't soul is stuck. Maybe you should flow. I've been on the road, you know. I've been feeling low. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. Maybe life's a joke. I feel like my soul is stuck. Maybe you should flow. I've been on the road, you know. I've been feeling low. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. Like I'm barely holding on. C'était du coup Spencer avec Maybe. Est-ce que ça t'a plu? C'est bien groovy, hein. Ouais. Bien smooth. Je vois le côté un peu R&B que t'évoques. Ouais, et le côté, un peu dans la voix du coup. Et aussi, je trouve que du coup, pour des chansons d'été, même si c'est un peu, c'est pas forcément très joyeux, je trouve que ça passe très très bien. Bah, c'est doux, c'est smooth. Voilà. Eh bien, moi, je vais partir sur un autre groupe qu'on avait déjà passé l'année dernière, qui était un coup de cœur, qui est le The New York City Milky Band. Ah oui. Avec leur reprise de Boards of Canada, et qui est exceptionnelle. Et on va réécouter Urguru, c'est 69er, qui est un tube absolu qui monte petit à petit et parfait pour entrer de la plage. C'était un son parfait pour ça. Allez. Nancy Milky Band avec leur album Urguru, qui est qui est top, top, top. Toujours aussi efficace. Et ben, on va enchaîner avec un autre groupe qui est aussi présent sur le même label, Black Milk Music. Ça s'appelle Ghost in the Tape. C'est un projet né de la rencontre à Tokyo de Genshu Fukaya au micro à la prod et de Sami Abud, qui est également membre du groupe MA Beat, ou Ma Beat, petit jeu de mots, présent sur ce label également. Ils ont sorti leur premier album Happily Confused en avril, et en gros c'est un projet qui fait intervenir différents artistes qui viennent des quatre coins du globe. C'est pas mal, c'est aussi dans la lignée hip-hop, sur des samples un peu planants, parfois irréels. Nous on va écouter tout de suite le morceau qui s'appelle Bopin, et c'est parti. Avec Ghost in the Tape sur le très bon label Black Milk Music, qui à Skip a sorti une compilation un peu jazz et tout et compagnie qui est pas mal. Faudra aller jeter un œil. Et une oreille. et ben, c'est très smooth hein, ce début d'émission, très groovy. Et ben, on va continuer avec le tube de l'été pour moi qui était Crown Bean, avec leur dernier morceau qui était sorti, So We Won't Forget. Ah oui, je m'en rappelle très bien. Ça, c'est... Petite tuerie. Ah oui. Radio Campus Lille dans l'émission Goodbye Kevin, celle de la reprise. Ouais, ça allait dire ça, la 169, émission de rentrée. Et alors, petite précision, quoi, petite nouvelle, on va essayer de faire chaque trimestre une émission un peu best-of de nos coups de cœur, comme on passe à chaque fois que des nouveautés. Oui. Voilà, en fin de trimestre, avant Noël, avant un les petit vacances. Bilan. Voilà, on fera le bilan, histoire de se dire ça, c'était vraiment bien. Une petite VAE. Voilà, si vous en avez loupé 2-3, il y aura des petites piqûres de rappel. Voilà, on va essayer aussi de vous passer un peu plus de morceaux. Ouais, plus de morceaux, parce qu'on en a tellement dans nos valises. C'est ça. Alors là, on va enchaîner avec une jeune rappeuse du sud-est de Londres qui s'appelle R-A-R-A-E, donc R-A-E, qui veut dire Rising Above Everything, donc qui s'élève au-dessus de tout. Ah. Voilà. Là aussi, on va chercher du côté du hip-hop, mais plutôt dans un esprit années 90. Donc, pour les fans, voilà, vieux aux amateurs. L'extrait qu'on écoute était paru en 2019 sur son EP éponyme, sur le label athénien Kill Them Up. Elle y raconte l'histoire d'une nana qui a un peu remonté parce que son mec l'a trompée avec une certaine Aileen. Et en fait, dans toutes ses chansons, c'est un peu ça. Pas une Anissa, quoi. Non. Non. Qui n'est pas sa cousine, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, toutes ces chansons, c'est un petit peu ça. C'est des expériences où tout le monde peut s'identifier. Donc, elle n'a pas d'album pour l'instant, juste cette EP et puis quelques singles. Et je te propose, du coup, d'écouter Damn Germain. You say, said I'll be your girl, man, you're always looking late. When I look at you, things will never be the same. Cause I saw you down the street, kissing up a lane. Damn Jermaine, I don't give a damn about what you say. Said I'll be your girl, man, you're always looking late. When I look at you, things will never be the same. Cause I saw you down the street, kissing up a lane. Damn Jermaine, stop with your lies and deceit. Ringing up my phone every week, telling me that I'm sweet. I should have known that you were trash. Hashtag that to make it trend like a meme on an app. Trying to get me to lap dance on your back. Who does that? No really, who does that? I let it slide, I couldn't get your eyes out of my mind. Pimples so defined, yo, I'm petrified. That's the fact, you said you had my back. But as a matter of fact, you're talking straight out of your ass crack. Stop pausing, I'ma have to praise the Lord. He got me out of bed before I was fully endorsed. Can't believe I used to like you. What? Every time I see your face, I'ma have to fight you. Oh man, a bunch of you guys are just the same. And this is why you got me screaming, damn Jermaine. Damn Jermaine, I don't give a damn about what you say. Said I'll be your girl, man, you're always talking late. When I look at you, things will never be the same. Cause I saw you down the street, kissing up a lane. Damn Jermaine, I don't give a damn about what you say. Said I'll be your girl, man, you're always talking late. When I look at you, things will never be the same. Cause I saw you down the street, kissing up a lane. Oh, why did you keep on ringing me? Man, you're just too dead to me. Lying all the time, you could be lying down next to me. Thinking that you're hot, but you're not. It's a lot to get my head around. I need to figure this out. Is she prettier than me? No. Is she thicker than me? No. What? So why was he kissing? I don't know. Is she taller than me? Yeah. Has she got big breasts? Yeah. Man, all of you guys are just a mess. Damn Jermaine, I don't give a damn about what you say. Said I'll be your girl, man, you're always talking lame. When I look at you, things will never be the same. Cause I saw you down the street, kissing up a lane. Damn Jermaine, I don't give a damn about what you say. Said I'll be your girl, man, you're always talking lame. When I look at you, things will never be the same. Cause I saw you down the street, kissing up a lane. Damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine. Damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine. Damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine. Damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine, damn Jermaine. See here, Jermaine, damn Jermaine. If you just stuck with me, look what you lost, man. You would have been RAE, R-A-E avec Dame Jermaine. J'aime beaucoup et j'ai hâte de voir en fait si elle va sortir un album. Enfin voilà, j'ai hâte. C'est pas mal. Bah, c'est vrai que ça donne envie de bouger sa tête là. Ouais, et puis c'est un peu girl power. Et puis il y a un clip, le clip est juste magnifique. Sur toute l'esthétique en fait de son album et de sa pochette et de ses clips, en fait elle s'inspire énormément aussi des séries des années 90, style Le Prince de Bel-Air, enfin des trucs comme ça quoi. Ça me fait marrer. Ah, maintenant que tu le dis, ouais, Le Prince de Bel-Air, on le ressent là, le côté funky groovy, là, on a envie de danser. Moi, ce que j'aime écouter l'été, je sais pas si j'ai des genres musicaux par période de l'année, estivale, de saison. Et pour l'été, ce que j'aime, moi, ou dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, c'est du rocksteady, de la soul music. Ouais. Voilà, c'est mes sons. Ça s'y prête, hein. Ça s'y prête. Bien sûr, comme j'ai envie d'écouter du Belle et Sébastien quand c'est l'hiver, qui fait froid, ou du Grand Daddy, tu vois. C'est vrai, tu rigoles. Ben non, mais je te comprends tout à fait. Voilà. Et donc, je vais vous proposer deux morceaux, parce que souvent, ce côté reggae, 60s, rocksteady, c'est des morceaux assez courts. Je vous propose deux groupes emblématiques. Les Mods seront fans. Les Pioneers avec le morceau Long Shot Kick the Bucket. Et Desmond Dekker avec le morceau Israélite. Et vous allez voir, c'est... On a envie de danser. Le soleil, il est plus là, mais là, il va réapparaître d'un coup. Chose is a goal. I don't want to Desmond Dekker. Voilà. Et le morceau Israelite. Israelite. On va enchaîner avec un groupe qui vient du Michigan qui s'appelle Proporius. Et c'est un trio émergent de Dream Folk. Alors la Dream Folk, c'est un peu comme si tu étais dans un cocon nostalgique, mais avec des petites explosions parfois de waouh. Enfin, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin bon, bref, c'est deux frères et la copine d'un de ses frères qui forment ce trio-là. Au niveau influence, ça brasse pas mal de choses comme l'Americana, le shoegaze, la Dream Pop ou là encore la country alternative. Que je ne connais pas, mais bon, enfin voilà, mais je pense que je vois à peu près ce que c'est. De toute façon, les catégories. Hein, hein, c'est voilà. Fait pour être cassé. Hein. Exactement. Donc, ils ont sorti en mai ou en mars leur premier album qui s'appelle So Close to Paradise sur le label Barely Sparrow Records. Et je te propose d'écouter un extrait qui s'appelle With You. Thank you. C'était Proper Use avec With You. Voilà, c'était pas mal, hein? Ouais, j'ai oublié le micro. C'est juste, il y a encore le petit fond sonore, le morceau, il s'arrête pas tout de suite. Ah oui, bah écoute, c'est pas très grave. Ouais, c'était que du bruit à la fin. On peut rajouter dans leur tous les styles musicaux qu'ils font, expérimental à la fin. Expérimental, et puis un peu drum and bass avec le petit rythmique, mais genre drum and bass chuchoté. Ouais. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et alors, moi, je vais vous passer un groupe, c'est un projet solo, c'est Constante Smile, que je confonds tout le temps avec Constante Mongrel, qui est plus garage. Et qui n'ont rien à voir en plus, ouais. Ils n'ont rien à voir, rien à voir. Constante Smile, c'est un album plutôt psyché qui est, que j'ai pas trop vu, donc il est passé un peu sous les radars. Je l'ai pas trop vu chroniqué ou je l'ai vu nulle part. Même dans des magasins, le patron. Et même les disques, le disque, je ne l'ai pas vu en sortie physique chez des disquaires, alors qu'il est chez Sacré Bonne Records, qui est un gros label maintenant new-yorkais. Et je me dis, on va le remettre en avant et on va écouter Floating, qui est un super morceau de Constant Smiles. Constant Smile avec son album qu'il avait enregistré sur une île où tout le monde se connaissait un peu. Oui, je me rappelle de l'histoire. Voilà, une île assez belle. Donc là, on était en Bretagne, hein, parce que la pochette de l'album, il y a une petite brume, on était à Belle-Île. Voilà. Très bien. On continue avec Felbm. Felbm, F-E-L-B-M, qui est le projet du producteur et le projet solo parallèle du producteur et musicien néerlandais Elko Topper chez Soundway Records. Et en gros, c'est un projet qu'il a entamé en 2018 sous forme de plusieurs EP nommés Tape 1, Tape 2, qui sont sortis en 2018. Et là, en fait, il sort la deuxième partie du projet, donc Tape 3 et Tape 4, là en ce moment. C'est un projet un peu intime, pas mal électro, mais plutôt minimal et jazzifié. Et en gros, j'avais déjà voulu vous le passer en 2018, mais j'étais pas trop sûre de mon choix à l'époque, parce que c'était quand même un peu mélancolique et... T'aimais pas ça à l'époque, la mélancolie ? Non, peut-être pas, voilà. J'étais peut-être pas autant touchée par même le côté un peu jazz. Et là, en fait, je trouve que... Donc là, je trouve que les derniers morceaux qu'il a sortis sont pas mal. Donc le tape 3 dont je vous ai parlé, il est sorti il y a 2 semaines. Le tape 4 va sortir très prochainement. Et je vous propose d'écouter Philately, qui est un des morceaux qui est sorti sur le dernier, là, il y a 2 semaines, et que je trouve très, très, très, très joli. Allez, Philately. C'était Phelb avec le morceau Philately. Voilà, Philately. Oui, parce qu'il y avait les mots d'Eric et Ramzy qui, quand ils faisaient deviner des mots, ils disaient « Après le boulot, Philatélis voilà, ». C'est ça qui me reste avec le mot Philately. Ah, chacun ses références. Certains, c'est Freud, d'autres, c'est Eric et Ramzy. Te souviens-tu, Léna, j'avais fait une émission où j'étais tout seul, où c'était que des morceaux qui me rendaient un peu fou, où je peux être taré. Et j'en avais oublié un, que j'en ai oublié plein, mais celui-là, le morceau de The Walkman, Taylton, qui était sur leur deuxième album, je pense, 100 Miles Off, il me rend ouf parce qu'il y a une batterie, parce qu'il crie, voilà, The Walkman maintenant qui est un groupe très très connu, et bah, je te propose de l'écouter, Taylton. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Ah oui, ouais. Et vous non plus, auditeurs de Radio Campus Lille, voilà, Taylton de The Walkman. Sound. The Walkman. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, tous les morceaux ne sont pas comme ça. Parce que là, il y a vraiment un côté un peu punk hardcore à faire poum, poum, poum. Ouais, d'ailleurs, Pierrot, c'est limite s'il n'a pas craché par terre. Merci les gestes barrières. Ah, mais ça, c'est, je l'ai dit, c'est un morceau qui me rend fou. Et The Walkman, pour juste terminer, après je te laisse la main, Léna. C'est un groupe qui est né d'un autre groupe qui n'a pas trop marché, mais qui a eu son succès au moment qu'on disait c'était The Next Big Thing. C'est le prochain groupe qui va cartonner, un groupe américain, un peu au même moment que les White Stripes. Et Jack White a réédité l'album de ce groupe inconnu, que je ne vous livre pas le nom, puisque je vais en parler dans une prochaine émission. Ah. Et je reviendrai dessus. Mister Mister, la suite au prochain épisode. Tout à fait. Bon, ben on va... Bah, pour contrebalancer un peu toute cette punk attitude, je te propose d'écouter Ahmed Fakroun, qui est un chanteur, auteur, compositeur libyen, qui est né en 53 et qui est un peu considéré comme l'un des pionniers de la musique arabe moderne. Alors, il a été beaucoup influencé par l'europop et l'art rock français. Et c'est bien sûr grâce à Peter Gabriel qu'en fait, il se fera connaître au Royaume-Uni. Avec son label. Oui, oui, oui. Et puis, au-delà des frontières, bien sûr. Le morceau qu'on écoute, c'est Love Words. Il était sorti sur le même album, enfin, sur cet album qui s'appelle, pareil, Love Words, qui était sorti en 87 sur le label français Celluloid Records. Et là, c'est une belle ode. Enfin, tu vas voir, c'est beau. C'est beau. Et le morceau, il s'appelle comment ? Bah, Love Words. Ah, ah non, il y a Faribik. Voilà. Mais c'est Love Bird, ça veut dire Love... ouais, peut-être pas. Il y a Faribik qui s'appelle... عشان يفيد C'était Ahmed Fakroun avec Yafar Ibik. Je me souviens, c'était la deuxième semaine d'août. Je me suis réveillée et j'ai écouté ça et j'ai dit waouh, c'est trop bien. Et je croyais que même que c'était un truc très contemporain. Je pensais que c'était un truc qui était sorti là il n'y a pas longtemps. Très contemporain. Très contemporain. Bah oui, parce que sur la pochette d'album, en fait, je voyais. Enfin, ça faisait un petit peu rétro, tu vois. Mais je me suis dit, bah vas-y, la mode en ce moment, c'est un petit peu les années 80-90. Donc je ne m'en suis pas inquiétée. Et c'est seulement quand j'ai fait des recherches plus approfondi que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un daron. <C'était>... Il était né en 53, bah c'est oui, ça. Bah oui, et que la musique était sortie en 87. Ah. Voilà. D'accord. Et bien pour terminer cette émission, pour la conclure, on va partir encore un petit peu d'énervé avec Maria Violonza. Oui. Et un extrait de son album Sirocco qui était sorti en 2018 sur le label. Si je l'ai, il est rigolo le nom du label. Je l'ai pas là. C'est Kakariki ou un truc comme ça. Kaka Kids, pardon. Bon, il y avait Kaka, c'est ça qui était rigolo pour moi. Et on va écouter le morceau Moisissure, et entre parenthèses écrit Fast Version. Ça se trouve, c'est la version rapide, parce que moi j'ai pas trouvé la version lente. Ou sinon, il y en a une autre, mais elle fait 2 minutes 30. Ce morceau fait 2 minutes 12. Et... Ah non, bah c'est ça, c'est sûrement ça. Et du coup, bah, c'est une italienne qui chante en français, anglais, italien, et qui chante avec des boîtes à rythme. C'est synthétique pop, c'est post-punk. C'est très très bien. Moisissure, vous allez adorer. Comme moi. Maria Violonza et le morceau Moisissure. Allez écouter cet album, il est très très bien. Elle a aussi collaboré avec Usé. Voilà, c'est grand artiste. Nous aimons beaucoup. Et ben, il est temps de se quitter, Léna, de dire au revoir à nos auditeurs. Et de vous dire à bientôt, à la semaine prochaine, très exactement. Même heure, même endroit, toujours Radio Campus. Toujours juste avant le Festin Nu, à qui on laisse la place et qu'on salue bien bas. Bonjour Festin Nu. Docteur Benway. Gros bisous.